tripping, bro. Nous sommes des corsaires. On loue nos services. Notre prix est élevé, c'est vrai, mais nous sommes les meilleurs dans notre domaine. Ça se prend pour des cadors parce qu'en impro ça balance 4 rimes. Moi je peux te faire ça jusqu'à la Sainte-Catherine. Je te fais saigner du nez comme si t'étais devant 25 poitrines. Plus rien ne me chagrine, attiré par la gagne. Je te fais rêver comme Sadio Mané et à la canne. Tu fais des martyrs mais toi t'as pas coupé la canne. Fais pas le dur, t'as pas une tête à faire ton bif à la cave. Un peu trop pensif, je mène la contre-offensive. Chaque rime un tacle aux gencives. Les gens savent que nos grands sages nous parlent comme à des gros singes. Sur leur visage, je vais laisser mon empreinte. À la fin, faudra bien rendre les jours qu'on emprunte. Chacune de mes peaux c'est l'entrante. Je ferai ce qu'il y a à faire, surtout si t'as la main tremblante. Okay. Mon disque est rayé comme la queue d'un maquis. Je pars en guerre, je mets mon trikaki. Rien n'est jamais taki. Mon flow c'est la rumba, taki taki. Quand on débarque, c'est la consternation. Les frères Mapogo, la nouvelle constellation. On laisse tes rappeurs en état de sidération. À chaque son, c'est la libération. Quand on débarque, c'est la consternation. Les frères Mapogo, la nouvelle constellation. On laisse tes rappeurs en état de sidération. À chaque son, c'est la libération. Et MC, fais un effort, articule. Tu cries tellement, on dirait qu'on t'émascule. T'es mal scute que je t'envoie. À moi seul, je pose comme un groupuscule. Toi, tu ressembles à un gros pustule sur une joue d'ado. T'as beau pousser à la salle, t'es plus Delgado que Gal Gadot. T'apprendras que les frères Mapogo font pas de cadeaux. Sur n'importe quel prod, Mike Flinger. Le sol craque sous la lourdeur. À la force du poignet, on a pris de l'ampleur. À l'heure où les marchands de mort jurent une main sur le cœur. Offrons-leur une thalasso dans des tonneaux d'acide. Soldats de l'homicide, d'un staff torpé et torpille. Sans être couvert d'or, j'brille. Toi t'as le flow pété de Zazie. T'inquiète, le doc Blackjack assure l'euthanasie. Cours vite, cette fois c'est toi la cible. Lui infamé, aucune instru ne nous rassasie. Jamais, jamais, jamais. Quand on débarque, c'est la consternation. Les frères Mapogo, la nouvelle constellation. On laisse tes rappeurs en état de sidération. À chaque son, c'est la libération. Quand on débarque, c'est la consternation. Les frères Mapogo, la nouvelle constellation. On laisse tes rappeurs en état de sidération. À chaque son, c'est la libération.